الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى on continue avec la biographie du prophète Mohammed عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Et on arrive dans un des passages les plus forts de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. En tout cas pour moi, c'est un des passages que je considère le plus fort de toute la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام, tout en sachant que toute la biographie, toute l'histoire du prophète عليه الصلاة والسلام renferme de nombreux fruits, des trésors ou des choses qui valent encore plus que de l'or ici et qui nous servent ici ou qui nous permettent de pouvoir vivre une vie heureuse. Là, il y a des passages, comme on le sait tous et toutes, ici plus forts que d'autres dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Mais pour moi, un des passages les plus forts, c'est ce passage qu'on va traiter cette soirée-là, bi-idhnillahi azza wa jal. Donc on est sorti de l'an 5 de l'Hégire et on rentre dans l'an 6 de Al-Hijra de l'Hégire. Et le prophète alayhi salatu wassalam, on l'avait déjà cité dans un hadith authentique, il avait fait un rêve qu'il allait faire tawaf, où il se voyait faire tawaf autour de l'Kaaba. Ça, c'était une bonne nouvelle. Et on sait que le rêve du prophète alayhi salatu wassalam, les rêves de l'Anbiya, de Ar-Rusul, les prophètes et les envoyés, sont une révélation. D'accord? Et ils sont véridiques. D'accord? C'est une sorte de wahi, de révélation. Le prophète alayhi salatu wassalam avait rêvé qu'il faisait at-tawaf hawla al-Kaaba. Ça, c'était une bonne nouvelle. Bushra min Allah azza wa jalla li habibina alayhi salatu wassalam, au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a décidé à l'an 6 de l'Hégire donc de partir vers, alors qu'ils étaient où? Al-Madina, à Médine. On a parlé de Ghazwatul Ahzab. On a parlé ici de cette deuxième sorte de bataille, si on veut, ici qui est Ghazwatu Bani Qurayza. Et ensuite, on passe à l'année 6 de l'Hégire et on voit le prophète alayhi salatu wassalam avec 1400 compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, qui se dirigent tous, vers ici, Mecca, pour faire Al-Umrah, si on veut, avec une traduction approximative pour tous et toutes se retrouvent ici, avec ou pour faire le petit pèlerinage, Al-Umrah. Et ils étaient 1400. Bien sûr, ils étaient plus que 1400 à Médine. Lakin, on sait très bien qu'il y avait des hypocrites qui étaient encore présents à Médine. Il y avait toujours des hypocrites qui étaient absents, ou plutôt présents à Fouan, à Médine. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a fait cette proposition de se diriger vers Mecca pour faire Al-Umrah, 1400 ont répondu positivement. Oui, nous, on est prêts. Et il y a un groupe d'hypocrites qui ont trouvé maintes excuses. D'accord? Maintes excuses. Nous, on a nos enfants. Nous, on a nos biens. Nous, on ne peut pas se déplacer. Ainsi de suite, pour pas participer à cette umrah, petit pèlerinage, par crainte de quoi? Par crainte d'être attaqué ou combattu par qui? Quraysh. Car ils savaient qu'il y avait un risque d'affronter Quraysh avec les armes. Bien que eux, les musulmans, étaient partis pas pour la guerre à ce moment-là. Ils étaient partis pour pacifiquement. De façon pacifique, plutôt. D'année, c'était simplement pour accomplir Al-Umrah. Ils voulaient pas du tout combattre Quraysh. Ils voulaient pas du tout se déplacer pour ici prendre la Mecque, Abadan. Chaque chose en son temps. Ils voulaient simplement faire Al-Umrah. Ils se sont dirigés ici vers la Mecque. Les hypocrites sont restés en arrière et Allah subhanahu wa ta'ala, ici je vais vous citer rapidement quelques versets coraniques cités dans Sourate Al-Fath, où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette situation, et particulièrement Al-Munafiqin. Ici, les hypocrites qui sont restés en arrière. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Al-Karim, وَبَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ اشْتَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا الآيات. Allah Azza wa Jalla, il parle de ce comportement et il dit, ceux des bédouins, Al-A'rab, c'est les bédouins qui sont restés en arrière, mais on parle des hypocrites particulièrement, ceux des bédouins qui sont restés en arrière te diront, nos biens et nos familles nous ont retenus, implore donc le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Donc ils trouvent maintes excuses, comme on voit au fur et à mesure ici de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, le comportement des hypocrites. D'accord? À chaque fois, ils trouvent maintes excuses pour pas participer aux expéditions, aux batailles, car ils craignent quoi? L'ennemi. Et seuls les croyants véridiques à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam ne craignaient pas l'ennemi. Ils étaient véridiques. وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ الرِّجَالَ. Allah Azza wa Jalla parle de ceux qui étaient véridiques. Quand ils rencontraient l'ennemi, وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا, ils ne changeaient en rien leur comportement. Min al-mu'minin al-rijal sadaqu ma'ahadu Allah alayhi. Ils sont restés véridiques. quant à leur engagement pris envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que cela, nous on a nos enfants, nous on a nos biens, nous on a ceci, nous on a cela, et en plus de cela, ya Rasulallah, invoque le pardon, implore le pardon d'Allah azza wa jal pour nous. Donc ils embellissent, at-tazyin, l'embellissement de quoi? De leurs mauvaises actions. Yani, on est avec toi, donc on croit en Allah, implore le pardon d'Allah azza wa jal pour nous, wal-iyadu billah. Ensuite Allah azza wa jal, il parle d'eux et il dit, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dit, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah azza wa jal, s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Vous pensez plutôt que le messager d'Allah et alayhi salatu wa salam, ainsi que les croyants, ne retourneraient jamais plus à leur famille, et cela vous a été embelli dans vos cœurs. Voilà ce qu'ils pensaient. Ils disaient, ils courent à leur père, ils vont rencontrer Quraysh, donc ils vont chez Quraysh. Donc ils ont vu déjà Al-Ahzab, les coalisés. Et parmi les coalisés, on avait dit, il y avait quoi? Il y avait les différentes tribus juives et il y avait Quraysh. Ils disent, eux, ils sont venus nous attaquer chez nous. Déjà, entre guillemets, on l'a échappé belle. Et maintenant, eux, ils vont chez eux. Et en plus de cela, pas préparés psychologiquement pour la guerre. Ils veulent aller simplement de façon pacifique pour faire Al-Umra. Ils courent à leur père. Pourquoi? Il n'y a pas de yaqeen. Il n'y a pas de tawakkul. Al-hayy alladhi la yamut. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de confiance en Allah Azza wa Jal. Qui réside dans les poitrines de qui? Les hypocrites. Wal-iyadhu billah. Amma le croyant, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète alayhi salatu wa salam est avec nous. On ne craint personne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, sami'na wa ata'na, et ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont restés en retrait. Ils sont restés en arrière. Ils sont partis, combien on a dit? 1400 environ. 1400 compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Ils ont pris la route. Quand ils ont pris la route, ils ont su. Ils ont su que les Quraysh étaient au courant de leur arrivée. Et il y avait différentes tribus chez les Quraysh. Et ici, quand ils ont pris un chemin, après qu'ils ont su que Quraysh était en train de les attendre, et peut-être de pied ferme, et peut-être ici pour les attaquer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de changer de chemin, yani de prendre une autre voie pour se rendre directement à Mecca, pour ne pas rencontrer certaines tribus de Quraysh qui peut-être étaient venues les attaquer. D'accord? Et en plus de cela, il y avait particulièrement un homme qui était à la tête de certaines armées à Quraysh et qui était très intelligent. Qui était une personne qui avait beaucoup de techniques ou d'expérience quant à la guerre. Il a fait beaucoup de mal aux musulmans, lakin il s'est converti ensuite à l'islam, comme on le verra par la suite. C'était Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa arda. Donc ils ont pris un autre chemin. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à un moment, arrivé dans un certain endroit, il se déplaçait, yani sur le dos de sa chamelle, et voilà que sa chamelle qui s'appelait Qaswa, comme vous le savez, ici, elle a commencé à s'accroupir. Elle s'est arrêtée. Une première fois, une deuxième fois, selon certaines versions, et le prophète alayhi salatu wassalam, il a été pris d'étonnement. La chamelle du prophète alayhi salam ne voulait plus avancer. En direction de quoi? De la Mecque. Comme si c'était un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons ont été pris d'étonnement. Dans une version, je ne connais pas l'authenticité, à la kulli hal, je vous la cite. Ici, une version, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, elle fait la même chose qu'ont fait les éléphants quand ils ont voulu rentrer à la Mecque. Elle réagit de la même manière que quoi elle file l'éléphant. Les éléphants qui se sont dirigés vers la Mecque. C'est-à-dire, pour leur montrer que quoi? Elle ne veut plus se déplacer car Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'elle se déplace. Un signe de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc ils ont dit et ils ont décidé, après que le prophète alayhi salatu wassalam ait donné l'ordre, de camper dans cet endroit-là. Cet endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, et c'est ce qui nous importe au jour d'aujourd'hui, dans cette soirée-là, c'est de parler de quoi? Le pacte, le traité ici de paix, qu'on appelle le traité de paix de Al-Hudaybiyah. Sulhu Al-Hudaybiyah. Donc le traité de paix d'Al-Hudaybiyah, ou certains disent aussi Al-Umrah. Le petit pèlerinage d'Al-Hudaybiyah, pour rappeler que ça s'est passé dans l'année où il y a eu ce traité, dans cet endroit qui est Al-Hudaybiyah. Et c'est connu, ce traité-là, je pense, par la majorité. À la kulli hal, on va prendre les morales de ce traité-là, traité de paix, entre guillemets, ici avec Quraysh, incha'Allah ta'ala. Ils se sont arrêtés dans cet endroit-là, Al-Hudaybiyah. Et donc à ce moment-là, quand le prophète alayhi salatu wassalam a décidé de camper, il y a eu ici Quraysh. Il y a eu les Quraysh qui savaient très bien que s'ils attaquaient le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'ils avaient quoi? Un honneur. Ils avaient un honneur, les Arabes, à l'époque. Et c'était des gens qui craignaient quand même quant à leur mauvaise réputation, ou d'avoir une mauvaise réputation plutôt. Donc ils se disaient, dans tous les cas, si on veut attaquer le prophète alayhi salatu wassalam, si on veut attaquer Mohammed, ainsi que les compagnons, ces personnes-là, il nous faut quand même une cause. Il faut quand même qu'on justifie. Pourquoi? Parce qu'en général, ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de d'aide. Ils avaient besoin d'alliés. Donc ils ont dit, il faut qu'on justifie cette attaque. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va envoyer des émissaires. Donc pour parler avec eux, pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent la guerre? Donc s'ils veulent la guerre, c'est bon. Khlas, c'est facile de justifier ici. Yani notre attaque, ils veulent la guerre, on prend des alliés, on les attaque. C'est facile pour nous. S'ils ne veulent pas la guerre, on verra après. Mais dans tous les cas, même si, ils le savaient très bien au fond d'eux, même s'ils ne voulaient pas la guerre, ils étaient contre que le prophète alayhi salatu wassalam rentre pour faire le petit pèlerinage simplement. Pourquoi? Quelque part, c'est une défaite pour eux. Comment on va les laisser rentrer à la Mecque et faire Al-Umra? Et ici, on va les laisser tranquilles. Entre guillemets, c'est une sorte de victoire. Même s'ils ne font pas la guerre. Donc, il n'y a pas besoin de faire la guerre toujours pour, ici, montrer que tu as gagné une chose. Abadan, ils savaient très bien que juste s'ils faisaient l'Umra, ils avaient gagné quelque part. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va dire étape par étape. Ils se sont dit étape par étape. On envoie des émissaires. Ils ont envoyé certains émissaires. Parmi eux, il y avait Boudaïl. Il y avait Boudaïl ici. C'était une personne qui était parmi les Quraysh et ils l'ont envoyé. Donc cette personne-là a commencé à parler avec eux. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes venus pour la guerre? Est-ce que vous êtes venus pour l'Umra, etc. Donc eux, ils ont rappelé qu'ils étaient venus simplement pourquoi? En paix. Ils voulaient simplement faire l'Umra, ensuite rentrer chez eux. Simplement faire l'Umra, ensuite rentrer chez eux. Donc ici, Boudaïl, il a pris cette information, il est parti chez Quraysh et il leur a répété. Ils m'ont dit ceci, kada wa kada. Ils m'ont dit qu'ils voulaient simplement faire l'Umra. Ils ne voulaient ni guerre. Ils ne voulaient ni répandre le sang, ni prendre du butin, ou prendre de l'argent, ou ne voulaient quoi que ce soit. Abadan. Ils veulent simplement faire Al-Umra. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va envoyer d'autres émissaires pour voir encore. On va pousser encore plus loin. Comme si ils n'étaient pas satisfaits de cette réponse-là. D'accord? Parce qu'il y a des gens, quelquefois, même on voit, je prends encore une petite autoroute, ici, il y a des gens, quelquefois, quand ils posent des questions, ils ont déjà la réponse qu'ils veulent. Donc, ils posent une question à une personne. C'est connu ou pas? Pose une question, ils attendent la réponse, c'est pas la réponse que je veux voir une autre personne. Il va voir une autre personne, il pose la même question, c'est pas ça que j'attends, je veux voir une troisième personne. Il pose la, c'est cette réponse. Donc en fait, il a déjà sa réponse. Ça existe ça ou pas? Ça existe. C'est comme je dis souvent, un distributeur de fatwa, comme de boissons. C'est-à-dire, tant qu'il donne ma fatwa que j'aime, alhamdoulilah, je suis satisfait. Amma s'il me donne pas la fatwa que j'aime, ou alors la vie qui me plaît, où je me sens, ou plutôt, afouane, mon âme, cette âme instigatrice au mal, tant que cette âme-là, elle n'est pas satisfaite, donc ici, je vais voir des gens qui vont satisfaire cette âme-là, wal'iyadhu billah. Donc ces personnes-là, ils n'étaient pas satisfaits. Ils ont envoyé une autre personne, dans une version, une troisième personne, qui leur a répété la même chose. Ils ne veulent pas l'harb, ils ne veulent pas la guerre, ils veulent simplement faire l'umra. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, fil jahiliya, comment il l'appelait, as-sadiq al-amin. Le véridique, le digne de confiance. Mais c'est simplement quand il est venu avec Al-Haq, ils ont dit quoi? Aftara ala Allahi kadiban am bihi jinnah. Est-ce qu'il ment sur Allah Azza wa Jal car il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien est-il fou? Donc ici, ils l'ont traité de fou. Ils l'ont traité de quoi? De menteur. Quelqu'un qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala quand il est venu avec quoi? La ilaha illallah. Avec, il n'y a de divinité qu'un Dieu. Simplement, abadan, il croyait en Allah. Mais quand il a dit quoi? Muhammadur Rasulullah. Muhammad. C'est-à-dire lui-même, c'est l'envoyé d'Allah. Ils n'ont pas accepté. Je dis comment celui-là, il croit en un Dieu mais unique, c'est-à-dire il n'y a plus nos divinités, mais en plus lui, il se prétend messager d'Allah. Ils n'ont plus accepté, ils n'ont pas accepté là, al-haq, la vérité, wal-iyadu billah. Et quand tu n'acceptes pas la vérité, à différents degrés, ce n'est pas simplement concernant les non-musulmans, mais à différents degrés, plus tu n'acceptes pas la vérité, et plus tu t'enfonces vers quoi? Vers l'égarement, ya akhil habib. الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام trois fois le prophète a répété la religion et le conseil, la religion et le conseil, la religion et le conseil. C'est comme s'il nous mettait en garde trois fois contre le fait de quoi? De ne pas accepter les conseils, c'est-à-dire al-haq, la vérité, wal-iyadhu billah. Donc ici tous ont dit la même chose. C'est une personne, ils le connaissaient, Mohammed alayhi salatu wassalam, comme étant une personne de loyale, véridique, digne de confiance. Ils ont dit il veut pas la guerre. Ça sert à rien, il veut pas la guerre. À la Kulihal, ils ont envoyé la dernière fois une personne appelée Urwa ibn Mas'ud. Urwa ibn Mas'ud, ici, cette personne-là, qui est partie voir le prophète alayhi salatu wassalam. Un peu plus provocateur que les autres. Un peu plus provocateur que les autres. Et il dit, comment as-tu osé réunir cette racaille du peuple pour envahir ta tribu? Regardez les paroles, provocateurs. Comment tu réunis ceux-là, cette racaille, pour ici envahir ta tribu, c'est-à-dire Quraysh? Les Quraïchites se sont tous mobilisés, y compris les enfants et les femmes. Iyak, méfie-toi, attention, prends garde. Tout le monde t'attend, même les femmes et les enfants. Regardez, il vient en tant que provocateur, c'est-à-dire que quoi? On sait très bien à travers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam que de façon générale, quand une personne te provoque, regardez, ici on prend, ici celui qui veut lire la biographie du prophète alayhi salam, il va prendre un livre sur la biographie du prophète alayhi salam, il va regarder un tahqiq ici, par exemple de Cheikh Al-Albani parmi les contemporains, il lit. Mais celui qui veut prendre les morales, qu'il écoute avec son cœur, pas qu'avec ses oreilles. Écoutez bien, ici, on voit à travers ce récit que de façon générale, quand quelqu'un te provoque une fois, deux fois, trois fois, mais tu ne réponds, tu ne réponds pas au mal par le mal. Il n'y a ni préjudice à autrui et ni préjudice à soi-même. Tu ne réponds pas au mal par le mal, mais tu réponds avec hikmah, avec sagesse. C'est-à-dire tu es dur quand il faut être dur, comme il a fait le prophète, comme on l'a vu ici. Et tu es doux quand il faut être doux. Tu sais comment réagir, rapporté par l'imam al-Bukhari, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda, a dit, celui qui agit en bien avec toi, qu'est-ce que tu fais? Agis en bien avec lui. Celui qui agit en mal avec toi, qu'est-ce que tu fais? Évite son mal. Il n'a pas dit agir en mal. Évite son mal. La manière, ça c'est autre chose. Ça c'est du cas par cas. Mais évite son mal. Donc ici, quand une personne te provoque, il faut que tu restes quand même, masha'Allah, sage, perspicace, lucide. Tu as le basira, la clairvoyance, al-hikma, wad'u shay' ala al-wajh alladhi yanbaghi wa fi al-waqt alladhi yanbaghi. Tu sais, ici, qu'est-ce qu'il faut faire au moment qu'il faut et de la manière qu'il faut? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te provoquer encore plus. C'est connu ou pas? C'est connu. Urwa ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à le provoquer. Toi, tu ramènes toute cette racaille, alors que les femmes, les enfants, ta tribu, c'est-à-dire Quraysh, je lui rappelais, hey, c'est ceux de chez toi, hein. Ils sont tous préparés. Et ils t'attendent tous de pied ferme. Et il dit, ils se sont vêtus de peau, de tigre, et se sont engagés devant Allah à ne pas te laisser accéder à la Mecque. Par Allah, c'est comme si je voyais ces gens-là t'abandonner et te trahir. Et y a ceux qui sont avec toi, ils vont te laisser. Attention, méfie-toi. Regardez. Regardez ici le vice, wal'iyadu billah. Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, as-siddiq, le véridique, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, bi-ijma'il ulama, ba'd al-anbiya et wal-rusul. C'est qui Abu Bakr? Thumma Umar, thumma Ali, thumma Uthman, thumma Ali, radiyallahu anhum wa ardahum. Ici, le meilleur des êtres humains sur la surface de la terre, c'est qui? Après les prophètes et les envoyés, et à leur tête bien sûr Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est Abu Bakr. Ensuite Umar, ensuite Uthman, ensuite Ali. Radiyallahu anhum wa ardahum. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a entendu ces provocations, qu'est-ce qu'il a dit? Il écoutait derrière le prophète alayhi salam, et quand il a vu Urwa qui dénigrait les musulmans, il lui répliqua d'un ton railleur de retourner d'où il venait. Il a dit, retourne d'où tu viens toi. Il a entendu pour lui dire, écoute, toi tu nous fais peur, retourne d'où tu viens. Ensuite, Urwa demanda au prophète alayhi salam, qui est l'homme? Qui est cet homme-là? Et le prophète alayhi salam, regardez, tout au long de la conversion, tout au long de la conversation, ici, cette conversation, al-hiwar, entre le prophète alayhi salam et Urwa, on voit qu'il y a des gens à côté. Regardez, suivez bien, écoutez avec vos oreilles et vos cœurs. Ici, on voit qu'il y a des gens à côté. C'est des hommes qui aiment et qui détestent en Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. En application, on voit ces versets coraniques. Quand le musulman ou les musulmans sont comme un même corps, comme a dit alayhi salatu wassalam, quand une partie du corps souffre, tout le reste du corps ressent la douleur. Regardez, à travers la... On va voir ici, hein. Ça, c'est pas des hadiths qu'ils disaient avec la bouche simplement, mais ils ont vécu avec ces hadiths. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam tout au long de cette conversation, il reste calme. Alors qu'il provoque, hein, et les compagnons qui répondent derrière, Abu Bakr, rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais là? Assis, Omar ibn al-Khattab va intervenir, ainsi de suite. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il reste calme, et il les regarde répondre. Et là, il montre quoi? Il est content, il est fier, le prophète alayhi salatu wassalam, de sentir quoi? De sentir quoi? De sentir? Le soutien. Le soutien, il n'est pas tout seul. Le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il a eu besoin des compagnons? Bien sûr qu'il a eu besoin des compagnons, car le prophète alayhi salam lui-même, c'est quoi? C'est une cause. C'est simplement une cause. C'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre, bien sûr. C'est le premier, incha'Allah ta'ala, qui sera ressuscité, comme a dit alayhi salatu wassalam. C'est le premier qui rentrera au paradis. C'est Khalil al-Rahman. C'est celui qui va avoir la shafa'atul uzma bi'idni rabbil ardi wassama. C'est clair. Lakin, le prophète, il a besoin de soutien. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ et consulte-les dans tes affaires. Il consultait, il avait besoin du soutien. Même le plus grand des savants sur la surface de la terre, wallahi, pour faire الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, il aura besoin de soutien. Il aura besoin de soutien, ça c'est clair. Donc ici le prophète, il a vu qu'il y avait du soutien avec lui, alhamdoulilah. Donc il les laissait parler, le prophète est resté tout calme. Parle, il n'y a pas de problème, c'est pas le moment. C'est pas venu le moment, regardez le prophète. Alors que dans beaucoup de hadiths, on a vu que le prophète, il s'énervait ou pas. Contre des musulmans, qui disaient la ilaha illallah, des grands compagnons. Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, arda, Abu Sanabil, il a dit kadaba Abu Sanabil. Il a dit, il a menti à Abu Sanabil. Il était dur avec des compagnons. Mais là, c'est un associateur qui vient et le provoque, il reste calme. C'est pas le moment, il n'y a pas d'intérêt. Regardez. Il est où l'intérêt, al-maslaha, ici, de s'énerver contre lui? Il n'y a pas d'intérêt. Ça sert à rien. Donc ici, il se tait. Mais les compagnons répondent, il n'aura pas dit taisez-vous. Il sait qu'il y a un bien, que les compagnons répondent et que lui se taise. Il dit quoi? Comme ça, ils vont voir. On n'est pas des faibles, mais moi, je n'ai pas d'intérêt de te répondre. Il continue. Donc à ce moment-là, il dit, ça, c'est Abu Bakr. Urwa, il dit, c'est qui? Il dit, c'est Abu Bakr, radiallahu anhu wa arda. Ensuite, Urwa, s'adressant à Abu Bakr, il dit, par Allah, je ne retiens ma réplique que parce que j'ai une dette de reconnaissance envers toi. Mais nous sommes quittes. Puis Urwa reprit son entretien avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et pendant qu'il parlait, Urwa, il prenait ou il s'approchait du prophète alayhi salatu wassalam et il touchait sa barbe comme ça. Il provoquait le prophète alayhi salatu wassalam, il le touchait comme ça. Par provocation. Regardez. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient? À chaque fois qu'il touchait la barbe, il tapait dans sa main. Il lui disait, tire ta main, sinon, wallahi, tu vas la perdre. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait rien. Il dit, bon, pour qui tu te prends, hein? Attention, hein? C'est moi le prophète, wallahi, ils vont dégainer leur épée, khlas. Mais ici, le prophète, il restait calme. C'est pas le moment. Est-ce que ça veut dire que quoi? Dans tous les moments, même si quelqu'un va venir te faire du mal, dans tous les... Ça dépend, c'est du cas par cas. Mais ça, il faut quoi? Al-hikma. Et celui à qui Allah, il donne. Al-hikma, la sagesse, comme qu'a Jalla wa Ala. Certes, il lui a donné, hein, une grâce immense. Subhanahu wa ta'ala. Celui à qui Allah, Azza wa Jalla, a donné al-hikma. C'est du cas par cas. C'est quelque chose de quoi? C'est quelque chose de précis, de très délicat d'avoir ici le comportement qu'il faut au moment qu'il faut. Le prophète allait se le laisser. Et il le provoquait et il était en train de quoi? De tenir ou de toucher sa barbe pendant qu'il lui parlait. Une façon, comme ils disent les savants, de l'avertir du danger que courait son peuple. Mais Al-Mughira ibn Shu'ba l'a lui frappé. Ici, chaque fois qu'il l'a porté au visage du prophète alayhi salatu wassalam, il disait à Urwa, retire ta main du visage du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, sinon par Allah, tu ne la récupéreras plus jamais. Urwa lui répliqua, malheur à toi, comme tu es frustré et grossier. Qui est celui-là, ô Mohammed? Regardez, il continue à parler. C'est qui celui-là qui parle comme ça? Le prophète alayhi salam dit, il répondit en souriant, c'est le fils de ton frère. Ton frère, le fils de ton frère. Il dit Al-Mughira ibn Shu'ba. Alors s'adressant à Al-Mughira, Urwa dit, plutôt Urwa dit à Mughira, Al-Mughira, quelle traîtrise as-tu si vite oublié tes forfaits qui te furent pardonnés grâce à moi? Mais le prophète alayhi salatu wassalam répondit à Urwa de manière à calmer la situation et éviter toute controverse. Il voulait calmer la situation. Pourquoi? Il sait que c'est pas le moment. C'est pas le moment encore ici. De s'énerver contre eux, pourquoi? Ils sont partis, pourquoi? Pour la paix. Donc va jusqu'au bout. Gâche pas tout. Quand tu patientes dans une affaire, on te critique, on ment sur toi, on te touche ou on touche ton honneur. T'arrives à patienter pendant 4 ans. Et quand tu sais que ça y est, alhamdoulilah, le plus dur est passé, on va te provoquer encore, tu vas tout mettre à l'eau et tu vas répondre au mal par le mal. Ici, ça y est, la prophète a patienté. Pourquoi il va tout gâcher? Abadan, il a calmé la situation. C'est pas le moment, on n'est pas là pour tout gâcher. Khlas, on répond au mal par le bien. Il dit, nous, tout ce qu'on veut, c'est venir faire l'umra, visiter la maison sacrée. Urwa mentionna à son retour la révérence dont jouissait le prophète alayhi salatu wassalam auprès de ses compagnons. Il est rentré à Urwa, et il a vu après provocation qu'il n'y avait rien à gratter. Et qu'est-ce qu'il a dit Urwa? Écoutez bien, il dit à Quraysh, il n'y a pas un roi. Il n'y a pas un roi, regardez, il n'y a pas un roi qui jouisse d'autant d'estime que celle vouée à Mohammed, alayhi salatu wassalam, par ses compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Il dit, attention, wallahi, je ne connais pas un roi qui a plus de respect ici que le prophète, alayhi salatu wassalam, avec les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Donc il a vu, ne t'inquiète pas que quand une personne vient te provoquer, et il voit, il montre pas que tu es une personne noble ou juste ou fort. Il va pas te le montrer, mais wallah, il a adim qu'au fond, il le sait. Il sait ce que tu vaux. Il sait ce que vaut ici les personnes qui sont autour de toi. Il sait que tu es une personne douce. Il sait que tu es une personne qui n'a pas peur, mais qui patiente quand il faut. Il sait. Ça sert à rien. T'as rien à prouver. Toi, tu dois prouver à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par l'imam muslim, qala alayhi salatu wassalam, man tawada'a lillah, rafa'ah. C'est qui? Allah. T'as pas besoin que les gens t'élèvent. Celui qui se rabaisse pour Allah, azzawajal, qui agit avec modestie pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? Allah azzawajal, il l'élève. Allah, il l'élève et ça, c'est connu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il aurait pu avoir les plus grandes des richesses sur la surface de la terre. Avec cela, il a délaissé ad-dunya. Jusqu'à ce qu'il a dit le prophète, fi sahih muslim, ad-dunya mata'. La vie d'ici-bas n'est que jouissant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a divorcé plus de 3 fois avec dunya. Et c'était une personne qui était très modeste. Maintenant, parmi les musulmans, les plus grands des rois, parmi les musulmans, les plus grands des gouverneurs, parmi les musulmans, quand ils entendent Mohammed, ils disent tous, alayhi salatu wassalam. que la paix et la bénédiction et le salut d'Allah Azzawajal soient sur lui. Regardez. Man tawada'a lillah rafa'ah, ne t'inquiète pas sur ça. Ensuite, il dit, c'est un peuple qui ne peut l'abandonner pour rien au monde. À vous donc de décider. Ils ont dit, jamais. Je les ai vus. Il ne leur a pas montré. Mais simplement, il questionnait, c'est qui celui-là? C'est qui? Il a vu le comportement, il a dit, jamais ils abandonneront le prophète alayhi salatu wa sallam. Mais on sait tous que quand une personne voit qu'il y a du soutien, la personne se refroidit. Mais quand la personne voit qu'il y a quoi? Que des, excusez-moi du terme, des rigolos à côté, ou des gens qui sont, ou qui le suivent, c'est-à-dire pas la personne en tant que personne, mais qui suit la personne parce qu'elle détient le haq, et nous on suit le haq et pas la personne en tant que personne. Et la personne qui détient le haq, on suit cette personne par quoi? Par rapport à quoi? Hein? Le haq qu'elle détient. Pourquoi? وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Car Allah Azza wa Jalla l'a dit, la vérité est venue, et le verset est descendu ibtida'an, quand le prophète alayhi salatu wasallam, comme on le verra, a ouvert ou a conquéri ici la Mecque, ils ont détruit les statues. Allah a révélé, dit, قُلْ جَاءَ الْحَقِّ, la vérité est venue, وَزَهَقَ الْبَاطِلِ, et le faux est disparu. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Le faux est voué à disparaître. Donc toi, pourquoi tu vas t'accrocher à une chose qui est vouée à disparaître, al-batil, ou à un homme qui détient al-batil? Tu sais que c'est voué à disparaître. Il va pas tenir avec al-batil, même si il attire ici les gens et la joie des gens et la notoriété et l'argent. Wallah, ça va pas durer. Allah, il a dit. Mais quand tu suis le haq et tu suis une personne parce qu'elle détient le haq, wallahi wa rabbi al-ka'ba, ça durera. Même si au début tu penses que ça, wallahi, ça durera, cette personne avancera, et bi-idnillah, ça sera une cause de ton avancée vers quoi? Al-Jannah bi-idnillahi azza wa jalla, le paradis. Donc accroche-toi à quoi? À la vérité. Donc il a su qu'il y avait des hommes, des personnes costauds, solides. Et c'est ce qu'on a besoin au jour d'aujourd'hui. Du soutien solide. C'est pas dur. Des personnes brutes. Des personnes qui n'ont pas de comportement, ni envers les musulmans, ni envers les non-musulmans. Non! C'est des personnes sages, sincères, véridiques. Wa ma baddalu tabdila. Ils ne changent en rien quant à leur comportement. Regardez Sahaba radiallahu anhu. La différence claire. Les hypocrites, et les compagnons, les hypocrites, dès qu'ils voyaient ici une chose qui les faisait peur, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit sur eux dans le Coran al-Karim, dans surat al-Ahzab, et tu vois leurs yeux révulsés, comme quelqu'un qui était quoi, dans l'agonie de la mort, il était proche de la mort, ils sont traumatisés. Et quand al-khawf, fa-idha dhahab al-khawf, salaqukum bi al-sinatin hidadin ashihatan ala al-khayr. Ça y est, dès que la peur elle part, khlas. Avec quoi? Al-lisan wal-iyadu billah, avec la langue. Tandis qu'ici, les compagnons, les croyants, regardez la grande différence. فَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Ceci n'a fait qu'accroître quoi? Al-iman. Et quoi? Leur soumission, leur foi et leur soumission. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Ils sont restés véridiques. Ils ont dit ça, c'est ce qu'Allah et le prophète nous a promis, c'est-à-dire al-fath. Ici, la victoire est proche. Pourquoi le prophète a dit inna nasra ma'a sabr? La victoire, elle vient avec la patience. Donc si on est là, khlas, ça y est, maintenant les ennemis arrivent, on va combattre, c'est que obligatoirement inna ma'a al-usri yusra, inna ma'a al-usri yusra. Ils savaient toutes ces paroles prophétiques, tous ces versets coraniques qu'ils vivaient avec. Ils ont dit, c'est obligé que la victoire, elle est proche. Si on est dans une situation aussi étroite ici maintenant, aussi difficile, c'est que la victoire est proche. Regardez, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Plus loin, Allah Azza wa Jalla dit, ils n'ont pas changé leur comportement. Ils sont restés véridiques. Donc nous, on a besoin de quoi? Des personnes véridiques, sincères, qui soutiennent al-haq, la vérité, ainsi que ceux, écoutez bien, qui détiennent al-haq, qui se détournent des gens qui détiennent al-batil. Pourquoi? Parce que eux, ils savent très bien que al-haq est voué à rester et à perdurer ici, bas et dans le delà, tandis qu'elle batil est vouée à disparaître, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Al-Qur'an Al-Karim. Ici, ils s'entêtèrent. Avec ça, ils ont entendu ça de cette personne-là qui leur a dit, écoutez, ils ne veulent rien. Ils veulent simplement l'Umrah. Ils se sont entêtés. Ils sont restés, ils ont dit, non, dans tous les cas, on ne les laissera jamais venir faire l'Umrah. Dans tous les cas, ça va être une défaite. Khalas, ils ne veulent pas la guerre. On va les laisser. C'est une victoire. Ils ont gagné quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là? Ils ont dit, on va continuer les négociations. On va envoyer Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda. Ou Afwan. Avant ça, ils ont dit, on va envoyer Omar ibn al-Khattab. Le prophète alayhi sallam, il a dit Omar ibn al-Khattab. On va l'envoyer pour continuer les négociations. Regardez, ils vont jusqu'au bout. Allah Azza wa Jalla nous rappelle à travers l'histoire de qui? Qu'il faut al-itqan wa al-ikmal. C'est-à-dire, quand tu fais une chose, tu la fais bien, de la meilleure des façons, et al-ikmal de la façon la plus complète. C'est dans l'histoire à qui? Daoud alayhi sallam. D'accord? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné l'ordre, il lui a donné la possibilité de faire quoi? des cotes de mailles. Et il a rappelé ici, comme on avait dit, Cheikh Al-Uthaymin rahmatullahi alayhi, il a dit, qu'est-ce qu'on tire de ces versets coraniques qu'on a vu dans Tafsir al-Qur'an, al-itqan wal-ikmal. Quand tu fais une chose, il lui a dit, fais-les bien et fais-les de façon complète. Quand tu fais une chose, comme a dit alayhi salatu wasalam, inna Allah, fil hadith alladhi hassanahu al-albani, rahimahullahu ta'ala, fi sahih al-jami', il a dit, Allah azza wa jal aime, inna Allah yuhibbu, idha amila abdahu amalan, an yutqinah. Allah azza wa jal aime, quand son serviteur fait une action, qu'il la fasse de la meilleure des façons. Donc ici, il a dit, on continue dans les négociations. On ne va pas arrêter complètement. Ce n'est pas à moi d'être complètement. On continue. Omar va négocier avec eux, ici, dans leur tribu. Omar ibn al-Khattab, la montagne. Omar, il avait peur ou pas? Abadan. Omar, il a dit, non, Rasoul. Ça ne sert à rien. Moi, je vais. Ça ne sert à rien que j'y aille. Demande à Uthman d'y aller. Il a dit ça, Omar, ou pas? Il a dit ça, Omar. Mais pourquoi? Ce n'est pas par peur. Ils savaient très bien que quoi? Ils étaient tous là. Pourquoi? Pour sacrifier leur vie, fisabilillahi azzawajal, à l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam. Mais on rappelle qu'à l'époque du prophète, le premier djihad qui a été instauré, la guerre sainte qui a été instaurée, c'était quoi? C'était l'attaque? Jamais de la vie. C'était djihad ou ad-daf'a. C'était quoi? La défense. Ils se défendaient, c'est tout. Là, ils sont partis en paix. Mais ils ont dit, si on doit défendre le prophète, c'était dans la défense. Non, c'est pas l'islam. Islam veut dire djihad, terrorisme, sang, on tue les femmes, les enfants, on abadan. Ils sont dit, nous on veut la paix. On les a provoqués, on veut la paix. Ils voulaient que se défendre. Mais ils étaient tous là, prêts à sacrifier leur vie pour l'amour du prophète alayhi salatu wasalam, et avant tout pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Omar ibn al-Khattab, il n'y a pas d'intérêt. Uthman ibn Affan, il a encore de la famille ici à Mecca. Il a encore de la famille là-bas et il venait d'une famille noble. Il a dit, envoie Uthman ibn Affan, peut-être il aura plus d'impact. Le prophète, il a dit, Uthman, il a dit, khlas. Moustahad, tout de suite, je suis prêt. Il est parti, Uthman ibn Affan, il a négocié avec eux, il a appelé à l'islam. Ça leur a tellement déplu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Uthman, ils l'ont emprisonné. Jusqu'à ce qu'il y ait eu quoi? Al-Isha'at, ici des rumeurs qui sont parvenues aux prophètes et aux compagnons qui disaient Uthman ibn Affan a été qatalou, ils l'ont tué. Le prophète alayhi salam, il a dit khlas, là on durcit le ton. Là maintenant on a besoin d'hommes, ici on remet les pendules à l'heure. Tous les compagnons, il les a appelés. Alors que ça a duré une petite période, ensuite ils ont su que Uthman ibn Affan, il avait été simplement emprisonné. Et il a été emprisonné qu'une petite période, dû à quoi? À sa lignée. D'accord? Et ici, aux connaissances qu'il avait, ils l'ont relâché rapidement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a rassemblé ici les compagnons. Il a dit, khlas, maintenant on va faire ce qu'on appelle Bay'atul Ridwan. D'accord? Ils ont fait un pacte d'allégeance envers le prophète, alayhi salam, qui a été appelé, comme on va le voir pourquoi, ici, Bay'atul Ridwan. C'est-à-dire le pacte d'allégeance de la satisfaction, si on va avec une traduction approximative. Pourquoi Ar-Ridwan? Pourquoi la satisfaction? Pourquoi l'agrément? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ce pacte d'allégeance qu'ils ont fait envers le prophète alayhi salam. C'était quoi? Ils sont tous venus vers le prophète alayhi salatu wasalam, tous les compagnons, as-sahaba radiyallahu anhum ardahum, et le prophète, il a tendu sa main, et ils mettaient leur main sur la main du prophète alayhi salatu wasalam, ils disaient, on te prête allégeance. De quoi? La mort, al-maut. On est prêt à mourir, khlas. Regardez le prophète, il remet les pendules là, vous êtes prêts? On est prêts à mourir. Chacun, vous êtes prêts? On est prêts à mourir. Pourtant, ils sont partis en paix. Mais simplement, le prophète, il rappelle, attention, peut-être que voilà. Donc regardez, ils ne veulent pas la paix. Nous, on va en paix, mais peut-être qu'il va avoir des choses. On est prêts, la mort, tout le monde a attesté. Illa Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda. Le prophète, tout le monde a attesté. Le prophète lui-même, il a pris sa main, il l'a tapé dans sa propre main. Il a dit, et cela, c'est pour Uthman. Il y a des prophètes, l'honneur qu'il a fait à Uthman. Il a dit, tout le monde a testé. Il a mis sa main, alayhi salatu wasalam, il a tapé dans sa main, il a dit, cela, c'est pour Uthman ibn Affan. Cet homme-là, à qui le prophète, alayhi salatu wasalam, il a donné combien de ses filles? Deux. C'est pour ça qu'on l'appelle, Dhul-Nurayn, l'homme aux deux lumières. Jusqu'à ce que le prophète, dans Sahih Muslim, le prophète, alayhi salatu wasalam, dans le hadith que vous connaissez, quand Omar est rentré à Abu Bakr, etc., et qu'ils ont vu ici un peu le tibia, ou alors la cuisse de Uthman ibn Affan, avec divergence entre savants, à la kulli hal, un peu, ou plutôt Afwan, du prophète alayhi salatu wassalam, qui était découvert. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu Uthman ibn Affan rentrer, il a réagi comme il n'a pas réagi quand il a vu Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma rentrer et voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il a baissé son qamis par pudeur envers Uthman ibn Affan. Aïcha, elle a dit, ya Rasulallah, Uthman ibn Affan est rentré. Tu as réagi de la sorte, avec pudeur, mais quand Abu Bakr et Omar sont rentrés, tu n'as rien fait. Et le prophète, il dit, Aïcha, comment je ne vais pas avoir honte envers une personne? Alladhi tastahi minhu al-malaika. Donc même les anges, les malaika, ils ont honte de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. C'est pour ça que le prophète l'aimait beaucoup, on le savait, jusqu'à ce que le prophète, il a dit, Wallah, par Allah, même si on avait ou j'avais une troisième fille, je l'aurais donnée à Uthman ibn Affan à Marie. Uthman ibn Affan Dhunnurayn, l'homme aux deux lumières, celui qui a épousé deux des filles du prophète alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal, Allah azza wa jalla parle de ce témoignage ou ce pacte d'allégeance et il dit laqad radiyallahu anil mu'minin, laqad radiya. Radiya man Allah, laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakina 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah azza wa jalla rappelle qu'il a été satisfait d'eux, qu'Allah azza wa jalla les a agréés, le pacte d'allégeance, de l'agrément, la satisfaction. Allah a été satisfait d'eux, il les a agréés. Tous ceux qui ont fait ce pacte d'allégeance, tahta ash-shajara, un arbre. C'était un arbre. Il est où cet arbre-là? Il a été rapporté qu'il a été coupé et que les gens l'ont oublié. Walillahi alhamd. Pourquoi? Parce que sinon les gens, ils auraient fait quoi? Ils auraient adoré cet arbre-là. Ils auraient peut-être fait des pèlerinages, at-tawaf, autour d'un arbre. Wal'iyadhu billah. Et ici, ça a été cet endroit précis. Cet arbre-là, il a été oublié. Alhamdulillah, il n'y a pas d'importance. Ala kulli hal, on sait que c'était en dessous d'un arbre. C'était Al-Hudaybiya. Allah dit avec une traduction approximative. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et les a récompensés par quoi? Une victoire très proche. Regardez, Al-Bushra, la bonne nouvelle. Donc Allah Azza wa Jalla dit, il les a agréés. Ils ont tous été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit comment, ou l'allègement, ou le pacte d'allégeance de l'agrément avec une traduction approximative. Rapporté par l'imam Al-Bukhari, lors du serment de ce pacte d'allégeance, Bay'atul Ridwan, ça c'est des choses à savoir, c'est des bases dans l'islam. Ensuite ici, ce qu'on connaît comme ce qui font partie de l'furu', c'est-à-dire les branches, c'est-à-dire tous les fruits qu'on prend, ça c'est à force de réviser les cours et autres. Mais les fondements, quand tu apprends Al-Fiqh, quand tu apprends l'Aqidah, quand tu apprends la biographie du prophète alayhi salam, doivent être connus par cœur et reconnus par cœur. Sinon tu n'as pas de science. Si on te dit c'est quoi Bay'atul Ridwan, à titre d'exemple, même dans la biographie, c'est pas que dans le Fiqh ou dans l'Aqidah, abadan, tu sais pas trop, non, ça c'est les fondements de la biographie du prophète, tu dois les connaître par cœur, on n'en parle pas. Bay'atul Ridwan, tu sais c'est quoi cette Bay'a, c'est quoi ce pacte d'allégeance, à quel moment il a eu lieu, où il a eu lieu, c'était quoi exactement, à quel moment ou pourquoi le prophète leur a fait ce pacte d'allégeance. Yani, ala kulli hal, ça c'est les fondements, tu dois les connaître par cœur, donc retenez. Rapporté par l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Lors du serment d'allégeance, le prophète alayhi salatu wassalam tapa de sa propre main à la place de Uthman en disant « Celle-ci est pour Uthman ». Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, comme on a cité le hadith tout à l'heure. À ce moment-là, Quraysh a accepté les pourparlers. Khalas. Quraysh, ils ont accepté les pourparlers. C'est à quelle heure, l'Isha? 20h02. 2, à peu près. Quraysh a accepté les pourparlers. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quraysh, ils ont dit « Khalas, on va rentrer dans les pourparlers ». D'accord, quand on voit que ici la personne en face de nous, elle tient, il y a du soutien, on est obligé de rentrer dans quoi? Les négociations, c'est obligé, c'est connu. Donc ici, mashallah, c'est un groupe solide, sincère, véridique, on le voit à travers leur comportement. Maintenant, on va rentrer dans les pourparlers. Ils ont commencé à négocier avec eux. Pour ça, ils ont envoyé Suhail ibn Amr pour négocier avec eux. Et ce pacte d'allégeance, il est connu, je pense, au moins ici, de façon vague, au moins, par l'ensemble des musulmans. Ici, le pacte d'Al-Hudaybiya, ce pacte-là, c'est le pacte qui a été fait entre le prophète, alayhi salatu wassalam, et Suhail ibn Amr. En quoi a consisté ce pacte? C'était qu'il y ait une certaine sérénité, sécurité, pour les deux parties. Une réconciliation entre les deux parties, c'est-à-dire Quraysh et les musulmans. Regardez maintenant, le politicien est arrivé, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Le prophète, c'est un politicien, c'est un guerrier, c'est un maître, c'est un mari, c'était un instituteur, c'est un professeur, c'était tout ce que vous voulez. Lakin, c'était une personne qui était dotée d'une sagesse inimaginable, c'était une sagesse ambulante, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est rentré en négociation, pas de problème. Alors maintenant, mettez-vous à sa place. Vous savez que vous avez gagné des guerres. Vous savez que vous avez des compagnons prêts à mourir avec vous. Vous savez que vous avez des hommes. Vous savez, le prophète lui-même, il sait qu'il parle avec révélation. Il a le soutien de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reçu le soutien de qui? Al-Malaika. Regardez avec tout ça, mais imaginez un peu. Nous, simplement, quand on sait qu'on a une paye de 3000 euros, et kabbar ala nas, peut-être il veut même plus venir à la mosquée. Je veux pas me mélanger avec cela, c'est notre classe sociale. Le prophète, alayhi salam, regardez les bienfaits qu'il a eus. Il a reçu quoi? La révélation de la part de qui? Malikul Muluk, le roi des rois, Allah azza wa jal. Est-ce qu'il y a un meilleur contact que tu peux avoir qu'un contact direct avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre? Et avec ça, regardez al-tawadu', regardez al-hikma. Il savait qu'Allah azza wa jal veut comprenne les causes de la meilleure, ça fait partie de tawakkul ala Allah azza wa jalla, de la meilleure des façons. Même si tu as le soutien d'Allah, Allah il veut que tu prennes, tu utilises les causes. Il est rentré en pourparler avec Suhail, pas de problème. Donc ici, le prophète alayhi salam, il a dit, c'est lui qui a dit, khlas, on va appeler une personne qui va écrire. Ali radiyallahu ta'ala anhu arda, Ali ibn Abi Talib, vient et écrit. Khlas, écrit les clauses. Donc là, ils ont commencé, et c'est ce qu'on appelle le pacte de l'Hudaybiyah, ou alors la réconciliation de l'Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah, ou sulhul Hudaybiyah. Et ici, ils ont commencé, les pourparlers. Ali radiyallahu anhu arda, il était à côté du prophète alayhi salatu wasalam. Imaginez-vous. Le prophète, il lui dit, khlas, oktub ya Ali, bismillah. Il lui dit, bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Ou le clément, le très miséricordieux. Suhail, il dit, tu vas où là? Comment ça le miséricordieux, le très miséricordieux? Ar-Rahman? On ne connaît pas nous. On ne connaît pas ça. Oktub bismikallahumma. Il dit plutôt, écrit au nom de Dieu. Parce qu'eux, ils croyaient en Dieu. Ils ne croyaient pas en quoi? En autre que qu'un Dieu. Si, ils croyaient en Allah, mais en leur divinité. Ar-Rahman, le miséricordieux. Il dit, c'est qui celui-là? Nous, on ne connaît pas. Le prophète, alayhi salam, ce qu'il aurait dit, écoute, soit c'est bismillahirrahmanirrahim. Là, je ne vais pas faire devancer ici tes passions sur quoi? Un des noms d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas le moment. Tu veux ça? Oktub ya Ali. Ali, il t'est pris d'étonnement déjà. Ça commence. Oktub, il écrit. Bismillahi, bismikallahumma. Donc, il commence. Ensuite, il commence. Il continue Suhail. Il dit, le prophète, alayhi salatu wasalam, ça, c'est un pacte de réconciliation, de conciliation entre moi, Muhammad, alayhi salatu wasalam, Muhammad, l'envoyé d'Allah, et Suhail, ibn Am. Suhail, il dit, là, là, là, là, où tu vas? Il dit, si on savait que tu étais l'envoyé d'Allah, on t'aurait pas tué. Et on t'aurait pas empêché de te rendre à la Mecque. Écris plutôt. Ça, c'est le pacte entre qui? Entre Suhail ibn Amr et Muhammad ibn Abdullah. Et Muhammad ibn Abdullah, c'est-à-dire le fils de qui? Abdullah. C'est-à-dire, il veut pas dire envoyé d'Allah. Les compagnons, ils se sont énervés. Ils ont dit, comment ça? Regardez la provocation. Non seulement il, donc déjà, un des noms d'Allah, Azzawajal, maintenant, il dit, Oktoub. Écris, c'est pas grave. Muhammad l'envoyé d'Allah et Suhail. Ensuite, il continue. Il dit, maintenant, regardez les clauses. Il dit, cette année, vous irez pas faire le petit pèlerinage. Les compagnons se disent, comment ça? Alors, ça y est, ça les a détruits. Les compagnons, ça veut dire qu'on a fait tout ça. On rentre ici dans les pourparlers pour qu'à la fin, ils nous disent quoi? Ce qu'on voulait faire, écoutez bien, ce qu'on voulait, c'est-à-dire Al-Umra, il nous dit non. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, khalas, pas de problème, écrit. Ils ont rien compris, les compagnons. Il dit encore, écrit. Il dit quoi? Il dit, toutes les personnes qui partiront de chez nous pour vous rejoindre, pour faire Al-Hijra, l'exil, chez vous, ici, vous êtes obligés de nous les ramener. C'est-à-dire, vous ne les laissez pas chez vous. Vous les ramenez chez nous à la Mecque. C'est-à-dire, ils savaient que peut-être ils allaient être torturés, oppressés, opprimés, vous nous les ramenez. Mais par contre, Al-Aqs, là, l'inverse, non. C'est-à-dire que si nous, il y a des gens, regardez bien, subhanallah, alayhi salatu wassalam, des gens de chez nous qui viennent chez vous, vous les laissez venir. Il a dit, Oktoub, il n'y a pas de problème. Les compagnons, là, khlas. Il y en a, ils ont, khlas, ils n'en pouvaient plus. Omar ibn al-Khattab, il s'est levé, il a commencé à dire, Ya Abu Bakr, est-ce que nous, on n'a pas la religion? Il dit, N'am. Est-ce qu'on n'a pas la vérité? Il dit, N'am. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, ce n'est pas le messager d'Allah? Il dit, N'am. Il dit, on ne va pas se laisser faire. Abu Bakr, il dit, écoute, il dit, moi, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est là, est l'envoyé d'Allah, Azza wa Jal. Khlas, pour lui dire, tais-toi. Il dit, et moi aussi, j'atteste. Omar ibn al-Khattab, il a dit, moi aussi j'atteste. Mais il a eu mal. Il dit, comment ça on va accepter? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, khlas. Et après, dans une autre version, le prophète, alayhi salam, il leur a expliqué aux compagnons. Il a dit, écoutez, ceux qui vont venir vers nous, on accepte ça. On va leur ramener. Ils vont patienter. Inna al-Nasra ma'a al-Sabr. Et incha'Allah ta'ala, huwa alladhi la yantiqu 'ani al-hawa. Il ne parle pas poussé par sa passion. Ils auront le secours, bi'idnillah azza wa jalla, comme les premiers ont reçu le secours. Quant à nous, les personnes qui veulent partir, écoutez bien cette morale et gravez-la dans vos têtes et vos cœurs. Les personnes qui sont avec nous, qui vont partir, ça nous fait quoi? C'est un bien ou un mal? C'est un bien. Il dit, Allah va nous débarrasser de quoi? De ces éléments perturbateurs, de ces gens pourris du cœur. Comme je dis souvent, les pourris du cœur. Il dit, on n'a pas besoin d'eux. Alhamdoulilah, ça c'est quoi? C'est un moyen de filtre. Et c'est pour ça que c'est bien. C'est bien quelquefois que tu vois qu'il y a des épreuves ou il y a des situations qui font qu'il y a des gens qui étaient autour de toi, ils ne restent plus autour de toi mais ils suivent al-batil. Et si tu te dis il n'y aurait pas eu cette épreuve, peut-être ils seraient restés avec moi pendant 10 ans et peut-être au bout de 10 ans, il m'aurait fait encore plus mal qu'il me fait au jour d'aujourd'hui alors que ça fait 6 mois qu'il est avec moi. Alhamdoulillah. Le prophète a dit, il va nous débarrasser Allah subhanahu wa ta'ala de cela. Ça veut dire qu'on va voir ceux qui veulent pas rester avec nous, on n'a pas besoin d'eux. Parce que quand il y a des ennemis dans tes rangs, des gens perturbateurs, des gens qui ne sont pas d'accord avec la vérité dans tes rangs, ils peuvent faire plus de mal que s'ils n'étaient pas dans tes rangs. Parce que tu les vois pas. Ils sont à ta droite, à ta gauche, ils te sourient jour et nuit, lakin au fond de leur cœur, tout est pourri, wal'iyadu billah. Donc ici, il a dit, c'est un bien. Il a dit, khlas. Il a dit, y a pas de problème. Nous, s'ils viennent vers nous, on vous les rend. Mais si vous, ils veulent venir, on vous les donne. Reprenez les déchets. Il n'y a pas de problème. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu que les compagnons, ils ont eu mal. Il a vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, les compagnons, ils n'arrivaient pas à supporter. Omar ibn al-Khattab, il avait beaucoup de mal à supporter. Il s'est dit, comment ici, on se fait... Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, il a dit, maintenant, c'est quoi? Il leur a expliqué qu'il y avait al-maslah. Il avait un intérêt ici. C'est quoi l'intérêt? Il dit, on va délaisser l'Umra ici. Ils ont perdu quoi? Une Umra. Une Umra de 2-3 jours. Ils ont gagné quoi? C'est quoi qu'ils ont gagné? Ça, c'est le résultat. Mais là, pendant ces années-là, ils n'ont pas gagné tout de suite Mecca. Ils étaient combien? 1400. Mais ils ont gagné quoi? Dans les clauses, il y avait quoi? Ils ont dit, on a gagné la paix. 10 ans de paix. Ils ont dit, nous, on a gagné 10 ans de paix maintenant. Vous savez, c'est quoi? Il dit, on a perdu une Umra. On a gagné 10 ans de paix. Ça veut dire que quoi? Toi pars à droite, toi pars à l'est, toi pars à l'ouest, toi pars au nord, toi pars au sud. Allez faire da'wah, alhamdoulilah, on est tranquille. Donc maintenant, on peut faire da'wah tranquillement. On va fortifier ici la communauté. Ici, avec da'wah, on est dans la paix. D'accord? On a délaissé une chose, pourquoi? L'intérêt général des musulmans. Voilà cette règle parmi les preuves qu'ils ont utilisé les savants pour mettre en place cette règle. D'accord? Cette règle de al-maslaha, ici l'intérêt général des musulmans, quand il y a un intérêt de délaisser une chose, et cette chose-là qui a été délaissée va apporter un plus grand bien pour la communauté, fais-la. Ou d'instituer une chose qui va apporter un grand bien à la communauté, ici fais-la. Et ça, c'est du cas par cas, on rentre pas dans les détails, ça fait partie de usul al-fiqh. Ala kulli hal, ici il y a un grand bien. Le résultat, c'est quoi? Quand ils sont revenus quelques années pour ouvrir Mecca, comme on va le voir, ils étaient combien? Ils étaient plus de 12 000. Alors qu'au début, ils étaient combien? 1400. Mais ces 12 000, ils les ont gagnés quoi? En rentrant et en versant le sang pour faire un umrah? Non. Ad-da'watu ila Allah azza wa jal. Ad-da'watu ila Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal, il a fait maintes fois l'éloge de da'watu ila Allah azza wa jal dans le Coran al-Karim. Et il a rappelé que parmi les causes qui font de nous la meilleure des communautés suscitées pour les gens, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah. Vous interdisez ici le répréhensible, le mal, le blâmable. Et vous ordonnez al-ma'ruf, le convenable. Et vous croyez en Allah Azza wa Jal, bien sûr, l'unique, al-tawhid lillahi Azza wa Jal al-khalis, sans rien lui associer. Ça, c'est les critères de la meilleure communauté. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui dit une meilleure parole que celui qui appelle à la religion. Meilleure parole, il n'y a pas que celui qui appelle à la religion. Et qui quoi? Qui accomplit les œuvres salutaires, celle qui est sincèrement pour Allah et conforme à quoi? À la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa qala innani minal muslimin, at-tawadu' kama dhakara dhalika al-ulama. Ça prouve ça quoi? Ça modestie, je suis soumis. Moi, je suis soumis à Allah azza wa jal. Je suis pas meilleur que, je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce ou par la cause de da'wah, des millions ont embrassé l'islam. Donc ici, ils ont dit quoi? À côté, on a la paix. Et de l'autre côté, on a quoi? On peut travailler tranquillement. On leur fait pas la guerre, on leur fait pas de problème. Mais ad-da'watu ila Allah, le prophète, il voyait loin. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, à la fin, il leur a dit quoi? En guise, ou pour montrer la fin de cet événement qui devait avoir lieu, c'est-à-dire al-umra, rasez-vous les têtes. Rasez-vous les têtes. Les compagnons, ils ont obéi ou pas? Ils n'ont pas obéi. Certains ulama, ala kulli hal, ils ont dit c'est pas par désobéissance envers le prophète alayhi salatu wassalam. Certains savants, ils ont dit c'est parce qu'ils espéraient encore de faire l'umra. Ils voulaient tellement faire l'umra. Donc c'était quoi? Par désobéissance à quoi? Envers le prophète. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Celui qui obéit au prophète, il a obéi à Allah. Donc ici, ils aimaient le prophète. Ils aimaient Allah. Et la preuve qu'ils aimaient le prophète, ils voulaient faire l'umra. Pourquoi? Pour se rapprocher d'Allah. C'est la preuve qu'ils aimaient Allah Azza wa Jal. Ils suivaient le prophète. Mais ils espéraient encore. Ils avaient mal. Le prophète, il est rentré chez lui. Regardez toutes ces épreuves. Il n'en pouvait plus. Il a dit à qui? Une femme. Certains, ils disent, moi, je consulte pas ma femme. Je suis un homme, ya akhi. Umm Salama. Elle l'a vu ici frustrée. Elle a vu le prophète, elle se sent triste. Elle lui dit, Rasulallah, ici, pourquoi tu es dans cet état? Fais une chose. Rase-toi la tête. Sors de la maison. Ils vont voir. Et on sait très bien que quand tu vois, c'est pas comme quand t'entends ou quand on te dit. Ça a plus d'impact. Ils vont te voir. Et ça, c'est la preuve que quoi? Ils n'ont pas désobéi au prophète. C'est pas pour aller à l'encontre. Car ici, quand ils ont vu le prophète, ils ont couru. Ils ont voulu faire ça pour suivre le prophète. Directement quand ils ont vu que le prophète a fait ça. Pour suivre son modèle. Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le comportement du prophète un excellent exemple. Ils ont vu le prophète faire ça. Le prophète, il a exécuté ce qu'elle a dit qui? Une femme, Salama. Il est sorti, ils l'ont vu, ils se sont tous précipités en foule et ils ont tous rasé leur tête. Et ensuite, ici, ils sont rentrés ici et ils se sont préparés pour cette grande mission qui est quoi? Ad-da'watu ila Allah azza wa jal, avant d'arriver aux différentes étapes qui vont venir, inshallah ta'ala, comme on va le voir par la suite, bi'idnillahi azza wa jal, jusqu'à ce que quoi? Ils vont faire l'ouverture de Mecca. بإذن الله سبحانه وتعالى.